Chapitre 46e, la première pièce de l'engrenage. Dutilleul ne mit guère de temps pour aller à Fleury-Mérogis, car il n'y avait quasiment pas de circulation. Malik Boucharif paraissait anxieux et Dutilleul choisit de ne pas tourner inutilement autour du pot. « Qui vous accompagnait quand vous avez acheté la télé ?»« Marion et Ossine. Vous ne me l'avez jamais dit. »« Erreur. Vous ne me l'avez jamais demandé. »« De toute façon, je ne voyais pas l'intérêt de vous le dire. » Ossine ne comptait pas. Il n'était là que pour porter. Peu à peu, le puzzle se mettait en place. Malik Boucharif, dans sa naïveté, venait sans doute de lui fournir l'une des clés de l'affaire. Dutilleul aurait pu le planter là. Mais il choisit néanmoins de poursuivre un peu l'entretien. Car qui savait ce qu'il pouvait encore apprendre? Quels sont vos rapports avec Ossine? Ben, des rapports, il n'y en a plus trop, vu qu'il est rentré au pays. Mais sur ma mère, je l'aimais bien. C'était quelqu'un de chouette. Il s'est toujours très bien occupé des parents et c'était un sacré bosseur. On s'entendait bien, mieux qu'un frère. Vous lui avez présenté Marion? Pas vraiment. Je préférais ne pas trop en parler. C'était mes affaires. Il m'a juste aidé à porter la télé. Vous auriez pu vous faire livrer. Là, Malik Boucharif se mit à rougir. C'est que... Oh, je sais ce que vous n'osez pas m'avouer. Vous aviez peur qu'elle ne change d'avis. Dutilleul ne poursuivit pas davantage l'entretien. Il avait à présent à peu près tout ce dont il avait besoin. Décidément, Malik Boucharif le décevait de plus en plus. Marion n'avait probablement été qu'une victime collatérale d'une haine qui ne la concernait en rien. Ossine Mani apparaissait sous un jour de moins en moins flatteur, rusé, intelligent et manipulateur. Dutilleul sentait que tout avait été soigneusement calculé et, hélas, aucun grain de sable n'était venu gripper la machine. Si je me souviens d'Ossine Mani? Oh oui alors. Un excellent élément. J'ai franchement regretté qu'il soit rentré si vite dans son pays. La chose vous a surpris? Oui, d'autant qu'il n'en avait jamais parlé auparavant. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais pu prendre certaines dispositions. Comme? Eh bien, négocier son retour au pays. Je lui aurais demandé de patienter 1, voire 2 ans. Vous comprenez, pour mon modeste cabinet, il était rapidement devenu indispensable. Je me flatte généralement d'avoir une bonne mémoire, mais lui, c'était une sorte de distributeur de textes de loi sur pattes, connaissant aussi bien les articles que la jurisprudence. Une sacrée pointure en droit commercial et plus précisément en droit international, parlant très bien l'anglais, ce qui est rare. J'ai tout de suite compris que j'étais tombé sur une perle. Dutilleul avait facilement obtenu un rendez-vous avec maître Hervé Gerson, unique employeur à ce jour de Ossine Mani. La chose avait été d'autant plus aisée que même s'ils ne se connaissaient pas réellement, chacun avait eu vent de la réputation de l'autre. Quand maître Gerson évoquait un cabinet modeste, Dutilleul savait que la réalité était sensiblement différente. Certes, maître Gerson n'avait pas une adresse aussi prestigieuse que certains de ses confrères, mais son cabinet ne désemplissait pas. En fait, il avait repris, avec succès, le cabinet de son oncle qui vivotait péniblement. Il n'avait pas été très long à le redresser grâce à son talent d'avocat, qui avait rapidement été reconnu sur la place. Aux clients prestigieux, Hervé Gerson préférait son réseau de relations. Le cercle en était moins brillant, mais les paiements étaient beaucoup moins aléatoires. Autre point, contrairement à beaucoup de ses confrères, il avait conservé l'ensemble du personnel de son oncle, qui du coup était à son entière dévotion. Il payait assez bien et régulièrement. Son cabinet était comme une petite famille dans laquelle Ossine Mani avait rapidement trouvé sa place. Maître Hervé Gerson ne supportait pas le racisme et qu'un Algérien souhaite travailler pour lui ne lui avait posé aucun problème. De toute façon, il avait besoin d'un stagiaire pour faire la petite main. Et Mani ou un autre? Vous l'appréciez vraiment? Entre vous et moi, monsieur le commissaire, c'est à ce jour le meilleur stagiaire que je n'ai jamais eu. Ossine Mani comprenait à la seconde même et avec lui inutile de vérifier. Une capacité de travail tout simplement stupéfiante. Pour le garder, j'ai rapidement revu son salaire à la hausse sans qu'il ait besoin de demander quoi que ce soit. Certes, il était encore loin de gagner ce que gagne généralement tout bon avocat débutant, mais pour démarrer dans la vie, je pensais que c'était tout de même pas mal. Dire que certains de mes confrères l'ont rejeté avec mépris à cause de ses origines. Au fond, je n'ai pu que m'en féliciter, surtout que s'ils avaient su, seulement voilà, dans certains cabinets, l'ascendance prime sur presque tout le reste, et même si vous êtes sorti en toute queue de peloton de promo, cela n'a aucune importance. Ce que l'on cherche avant tout, ce sont des alliances. Et bien évidemment, l'argent qui va avec. Les compétences professionnelles comptent pratiquement pour rien. On vous donne généralement un bureau, parfois, mais c'est plus rare, une assistante. On ne vous donne que des dossiers sans conséquences ni intérêt, et tout le monde se satisfait de la situation. Les garçons comme Ossine Mani n'ont absolument aucune chance d'intégrer ce genre de cabinet. Car de ce côté-là, l'ascenseur social n'est pas simplement bloqué, il est verrouillé par quelques commandeurs indéboulonnables. Ne pratiquant pas moi-même ce genre d'archaïsme, je n'ai eu qu'à me louer du travail de Ossine Mani. Croyez bien qu'il ne volait pas sa rémunération, bien au contraire. De nombreux dossiers, au point mort depuis des mois, ont connu de belles avancées grâce à lui. C'était un garçon patient, discret, parlant finalement assez peu de lui. En 3 ans, l'une des seules choses que je suis parvenu à apprendre de lui, c'est qu'il habitait assez loin en banlieue et qu'il devait réaliser de véritables prouesses pour se présenter à l'heure le matin. Comme les transports n'étaient pas fiables, il a fini par racheter le scooter d'un de mes neveux. Celui-ci en avait tordu la fourche sur une grosse pierre qui avait également cassé le phare avant. Dutilleul considéra soudain Maître Gerson avec intérêt. « Maître Gerson, est-ce que par hasard vous connaîtriez la marque et la couleur du scooter ?»« Non, mais mon neveu Dominique pourrait très certainement vous renseigner, si vraiment c'est important. »« Oui, ça l'est extrêmement. » »« Autre chose, Ossine Mani était-il pratiquant ?» Maître Gerson réfléchit un moment. « Je dois bien vous avouer que je n'en ai aucune idée. » »« Comme je vous l'ai dit, c'était un garçon assez discret. » Il ne faisait pas le ramadan, mais en dehors de cela. Quand vous a-t-il dit qu'il rentrait en Algérie? Environ 1 mois et demi avant. Son passage sur le bateau était déjà réservé. Comment vous a-t-il annoncé la chose? Avec ménagement, mais le choc n'en a pas été moins grand. Je n'ai pas été jusqu'à le supplier de différer son départ, mais je lui ai fait très clairement comprendre que j'étais déçu qu'il ne m'en ait pas parlé préalablement. Quel motif a-t-il invoqué? Un de ceux qu'il est quasiment impossible de vérifier. Un oncle malade dont il devait prendre la succession. Pour être tout à fait honnête, je me dois de reconnaître que cela pouvait être vrai, même s'il n'y connaissait rien en droit islamique. Pardonnez-moi, mais vous ne me semblez pas convaincu. Je ne le suis toujours pas. Pour tout dire, ce départ me semblait si précipité que j'ai même pensé un moment qu'il avait fait une bêtise, même si j'avais un peu honte de penser cela. Aussi n'était si sérieux. Avez-vous essayé de lui parler? Bien évidemment, mais aussi il n'était vraiment pas le genre à se confier. Sur la défensive? Non, je dirais plus une réserve polie. Comme s'il cherchait à se faire tout petit, dès que l'on tentait d'aborder le domaine privé. Était-il heureux? Je serais bien incapable de vous répondre. Il est sûr qu'il se submergeait de travail, mais pour le reste, je reconnais qu'il ne s'est guère lié. Dutilleul devait batailler ferme pour maîtriser son excitation. Si la chance le favorisait, il allait enfin détenir un premier élément de preuve. Pourriez-vous me communiquer rapidement les coordonnées de votre neveu? Oui. Je me doute bien que si vous me le demandez, c'est que c'est grave. C'est surtout moche, très moche, même si certains points restent à éclaircir. Mon neveu vous appellera cet après-midi. J'imagine que vous ne pouvez pas m'en apprendre beaucoup plus? Non. Mais croyez-moi, vous apprendrez bien assez tôt de quoi il retourne. Dernière question. Ossine Mani aurait-il fait allusion à un moment ou à un autre à son cousin Malik Boucharif? Pas à moi, en tout cas, et honnêtement, je ne vois guère à qui il aurait pu en parler. Je ne vais pas prétendre que je ne connais pas ce nom. Je suis obligé de me tenir au fait de l'actualité judiciaire. Vilaine histoire que l'assassinat de ce policier. Quel acte stupide. Je comprends que Ossine ne s'en soit pas vanté. C'était un cousinage lourd à porter. Son comportement avait-il changé dans les derniers temps? Non, absolument pas. Il était toujours aussi concentré sur son travail. Et je n'avais aucun reproche à lui faire en dehors du fait qu'il allait nous quitter. J'ai eu un mal infini à le remplacer.